J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette 39e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Des séries. Moi je suis pas censé être là, alors je peux pas répondre. Merde, d'habitude c'est Mathieu qui répond. Ouais, des comics, oui, bon, y a personne qui suit. Et moi, je fais déjà ma pub. Plus tard, tu verras plus tard. Alors, il y a beaucoup de nouveaux qui reviennent et de vieux qui n'étaient pas censés être là. Parce que je me suis dit. Tu t'en veux une maintenant ou j'attends la fin de l'émission? Tu attends la fin de l'émission. C'est un melting pot de co-animateurs. Voilà, exactement. Le truc, c'est que il y a plusieurs personnes qui reviennent et qui rejoignent l'équipe. Et du coup, je me suis dit, on va faire une émission avec les newbies. Et bah, Mathieu, comme il ne veut pas être dans l'émission, il va rester. Pas du Facebook, c'est pas la résistance. Voilà. Peux pas m'envoyer une. Il est sérieux. Faut lui envoyer un pigeon voyageur. C'est la force qui lui a dit de venir dans cette émission. Non, c'est que j'ai pas regardé Facebook. J'essaie de te trouver des excuses. Ah, donc vous l'avez entendu autour de la table, il y a Mathieu comme d'habitude. Salut Mathieu, ouais. Ça va? Oui, bah vu l'accueil, oui, ouais, super. Bon, moi je suis très content que tu sois là. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais. J'étais triste de pas t'avoir. Ça... Moi je suis contente aussi. Voilà. Et vous l'avez entendu à côté de moi, il y a Faye qui revient, le retour de Faye. Bonjour, ça va Faye? Tu es contente de revenir? Ouais, fatiguée, mais ça va. on va rester sur les petits nouveaux. C'est Vincent de Geek en série et anciennement de la matinale. Qui nous rejoint et qui va se mettre à lire des comics. Il va se remettre à lire des comics. Cette fois, là tu lis que 3 issues, ça va. Tu y vas petit doucement, pardon. Ah bah, c'était pas de ma faute, hein. Moi j'aurais bien tout lu, c'est vraiment le fichier qui a eu un souci, quoi. Et bah, tu nous diras la semaine prochaine qu'est-ce que t'en auras pensé en entier quand tu le relis en entier. À côté de toi, il y a Axel de Dernier Créneau qui était venu en invité, là, qui vient en chroniqueur. Le monsieur n'a plus d'émission, donc je lui dis, on va l'accueillir. Ça, il a eu pitié de moi. Et oui, exactement. Ça va? Oui, ça va, ma foi. Plus de travail, donc. Enfin, plus de travail, plus d'émission, donc moins de travail, forcément. Donc du coup, on a le temps de passer faire coucou. C'est cool, merci à toi. Avec plaisir. En face de moi, il y a Bertrand. Salut Bertrand, et le micro est trop loin peut-être. Salut, non, ça va Bertrand? On m'entend, c'est bon, je... Oui, on t'entend bien. C'est parfait. Et à côté, il y a Romain, qui est de retour. Salut. Après deux émissions, ça fait quoi? Ça fait trois émissions? Ça fait deux, trois, je sais pas. C'est pas grave. En tout cas, on est content de t'accueillir. Et comme d'habitude, on va commencer avec les news. Avec ce générique qui est toujours aussi bien. On sait, ouais. Mais tu ne l'entends pas, tu n'as pas de casque. Non, putain, mais j'ai il pas est bien casque. Ce générique. On va commencer avec une news. On peut pas le chanter du coup. Tintin. Un truc comme ça, je crois. Non, ça m'aurait pas passé du tout. Ouais, ça me semble pas. Vas-y, enchaîne. Merci. La première news, c'est une news un peu sympathique. C'est Titan Comics, un petit éditeur indé et états-unien. qui ressort deux séries sur deux personnages qui sont un peu oubliés, enfin un peu deux vieux personnages. Un personnage qui s'appelle Dan Dar, que je ne connaissais pas, que j'apprends à connaître maintenant. C'est un personnage culte des années 50, créé par qui s'appelle Daniel McGregor Dar, qui est un pilote de l'espace britannique au moral un peu douteuse apparemment, qui est apparu sous la plume de Frank Hanson dans le magazine Eagle. Et c'est le retour de ce personnage qui a marqué la pop culture, parce qu'il est nommé dans deux chansons de David Bowie et de Elton John, donc pas n'importe qui. Et sa dernière itération a été scénarisée par Garth Ennis, et là c'est Peter Milligan, que vous connaissez bien si vous aimez Vertigo, puisqu'il a fait un run de 4 ans sur Hellblazer, il a signé pas mal de séries chez Vertigo, donc c'est lui qui va reprendre ce personnage. Et notre caution, tu vois là, c'était le dessin, c'est le dessin que je me disais, merde, il est pas là et on va pas pouvoir parler de Peter Milligan, parce que je pense qu'à part lui, il y a personne qui... C'est peut-être Romain. J'ai lu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon, voilà, notre spécialiste Hellblazer. Oui, il a fini Hellblazer avant que ça soit pourri. Traduction, avant que ça parte chez DC Comics dans le New 52. Ouais. Donc Hellblazer, c'est John Constantine, le magicien, là aussi, aux valeurs morales très très limites. Il a fini le run, c'était vachement bien ce qu'il faisait en plus, donc c'était assez glauque, c'est assez sombre, c'est assez violent. Il a fait Enigma aussi chez Vertigo, qui était... Ouais, c'est sa série chez Vertigo qui s'appelle Enigma. Duncan Fredego, qui était assez compliqué à suivre. C'est super intéressant ce qu'il fait, c'est pour ça que je suis assez étonné de le voir sur un personnage assez pop culture années 50. Ouais. Mais du coup, c'est curieux, vraiment, j'ai acheté un œil. Ouais, il a fait une série qui s'appelle Shade aussi et Changing Man. Oui, c'est pas du Grant Morrison niveau complexité, mais c'est juste en dessous quand même. Faut un peu s'accrocher pour chez Milligan. Mais du coup, c'est vachement intrigant. Scénariste que tu oui, c'est partie des mecs que j'achète relativement les yeux fermés, même si après tu dis ouais, c'est vachement bien, alors que bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, tu dis que c'est bien, c'est hype, c'est cool. Ok, et chez le même éditeur, il y a un autre personnage qui renaît. Alors, c'est un personnage qui a été créé par Joe Simon et Jack Kirby, donc les deux personnes derrière Captain America, et qui s'était dit 14 ans après la création de Captain America, finalement Captain America il est pas assez patriotique, on va faire un mec beaucoup plus patriote, beaucoup plus pro-USA, on va l'appeler Fighting America et il va combattre des communistes. Et le pitch comme ça a l'air assez drôle. C'est super Dupont en américain, quoi. Ok, donc ça a l'air très très... C'est hyper caricatural quand même. Oui, un peu, wow, c'était les années 50, hein, ils avaient le droit. Nazi en plus, on est embêté, il fait trop autre chose. Bah, il fait trop autre chose, ouais. Et là, le Titan Comics commence bien avec un petit pied de nez à Peter Milligan, excuse-moi, à Captain America, puisqu'ils ont sorti un premier teaser où sur l'affiche, c'est marqué « No Secret, No Empire ». Donc voilà. Pour les gens qui auraient compris, ils se foutent un peu de la gueule de Secret Empire, le dernier event chez Marvel. Donc voilà, c'était assez marrant, je trouvais, comme petite news. C'est mignon. C'est une news honnête. Ouais, mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de ressortir ça, enfin, bah, je sais pas, déjà Captain America, ça fait vendre. Bof, quoi. Ouais, je sais pas. Si c'est des fans des deux créateurs, hein, après pourquoi pas. Bon, c'est sûr qu'il a pas l'air particulièrement épais, celui-là, on va dire. Ouais. Puis, vu qu'il est pas méga connu, c'est pas forcément sûr qu'il y ait de l'assez longtemps, mais du oldies comme ça vend toujours. Et on va passer avec, je pense que ça va être l'arlésienne de ce podcast, de cette émission, jusqu'à la fin. Batman. C'est pas Batman, presque. Transformers. C'est le Batman de Sean Murphy avec. Ouais. La virgule qui part un peu trop en arrière, c'est pas grave. Du coup, j'en ai parlé la semaine dernière, je vous en reparle. La série Batman de Sean Murphy, on en sait un peu plus puisque Sean Murphy en a parlé sur Twitter et nous savons déjà le pitch, alors que ça va être on connaît le titre, c'est Batman White Knight et ça va être Batman qui est devenu une espèce de tyran de Gotham City et le Joker est devenu gentil. Et il va faire une guerre médiatique pour montrer à tout le monde que Batman est un tyran. Et on va retrouver plein de personnages de l'univers du Caped Crusader, et notamment pas mal de méchants tirés de Batman, l'animated série. Ce sera une série en 8 numéros qui débutera le 4 octobre aux US. Et je crois que je la prendrai en VO parce que j'ai vraiment hâte de lire cette série. Les premiers visuels qu'il a lâchés sur Twitter sont magnifiques. Faye à côté de moi dit non, mais... Ah si, il y a 5 planches, je crois. Il y en a une où il y a Batman au-dessus du Joker. C'est exactement la même planche que Jim Lee avait fait pour Batman Silent. Elle est magnifique. Il y a même Batman en costume 3 pièces bien tirées. Bruce Wayne, ce qui est plutôt rare en fait dans les comics de Batman. On voit jamais Bruce Wayne normalement. Et là c'est Bruce Wayne bien en genre mafieux un peu. Ça a l'air trop cool avec le trait de Sean Murphy qui est. C'est un de mes dessinateurs favoris, donc forcément je veux dire que c'est génial, mais ça a l'air vraiment ouf. Est-ce que Mathieu, t'en as vu un peu Oui, Sean Murphy c'est formidable, c'est vraiment magnifique. Par contre là le pitch il m'intéresse pas du tout. Moi non plus, mais ça dépend comment il l'amène en fait. Genre, il devient subitement gentil le Joker, ou c'est d'univers parallèle où il est gentil de base. Déjà, ça va être un what if, donc ça va être. C'est un truc hors continuité un peu. J'aurais préféré Sean Murphy vraiment dans le Batman tel qu'on le connaît. Après, ça va peut-être être bien, mais là pour le coup, ça ressemble vachement à ce qu'avait fait Mark Millar avec Nemesis, qui était déjà une espèce de Batman blanc très très borderline. Là, le fait que ce soit un gros. Ce récit parallèle à l'univers Batman. Ouais, mais au moins il va pouvoir se lâcher comme il veut et faire. Ouais, Sean Murphy aurait pu se lâcher aussi sans le tuer. Enfin, c'est ce que DC avait annoncé, ils allaient faire de plus en plus de graphic novels et laisser vachement libre cours aux artistes. Ouais, là pour le coup. Faye, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je disais au niveau du scénario, autant le côté Batman un peu dictateur et tout, ça peut être intéressant comme approche. Autant le Joker gentil, non. Je suis pas d'accord, quoi. Enfin... Bah justement, parce que le Joker est l'opposé de Batman, et du coup quand Batman devient gentil, méchant. Moi j'aurais même trouvé ça plus intéressant qu'il les associe, quoi. Voilà, que les à la opposer. Rigueur, c'est ce que j'allais, dire. Batman, Joker. Moi j'en ai parlé la semaine. Donc c'est Mark Silvestri qui va faire un team-up. Bon c'est pas prêt de sortir, ça fait 4 ans qu'on en a parlé. Hein. Non mais tu vois un Joker qui arrive à rendre fou Batman et qui le met de son côté. Enfin, je sais pas, trouver un truc très. Moi, ce que je trouve intéressant, et ce qu'ils avaient l'air de dire sur Twitter, c'est que on sait que Sean Murphy est un mec vachement engagé et il va amener ça dans son récit. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ça va être un récit très politisé et on va retrouver. Je pense que ça va plus être une espèce de truc pour dénoncer Trump et ce genre de choses. C'est très actuel. Batman, ouais, voilà. Ouais. Ils veulent vraiment coller à l'actualité. Par contre, c'est lequel de Joker? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a trois Jokers. Donc on en a trois. Attention, spoiler. Donc voilà. Juste une question, ça sera en couleur ou ça sera en noir et blanc? Je sais pas, je crois qu'il a dit qu'il y aurait une édition en noir et blanc. Oui, ça m'étonnerait pas qu'il fasse les deux, ouais, ça marche bien ça. Parce que moi je trouve, tu vois, Sean Murphy, on en avait parlé sur un titre, je le préfère en noir et blanc qu'en couleur. Oui, bah c'est ce qu'il fait d'habitude, il sort les deux. Ouais, le Black and White de Punk Rock Jesus, il est bien vendu. Ouais, ouais, mais il n'y a pas de couleur sur Pokémon Jesus. Oui, c'est Tokyo Ghost qui est les deux. Mais tu vois, Tokyo Ghost, j'avais préféré en noir et blanc qu'en couleur. Ouais, c'est vrai que je l'ai lu en noir et blanc et c'était mieux en noir et blanc, effectivement. Donc on va passer sur une autre news. Et c'est une news que j'ai appelée une Lois Lane, peut en cacher une autre. Ça va être la news où Vincent va pouvoir parler. Oh, de suite. Ça parle de série télé, donc. Non. Si tu veux. Alors, l'actrice Erika Durance qui jouait l'insupportable Lois Lane dans Smallville. En même temps, les personnages de Smallville. Qui est arrivé jusqu'à ce que Lois Lane arrive dans Smallville? Moi. Et quel personnage n'est pas insupportable dans Smallville? Voilà, c'est ce que je me posais comme question aussi. Donc, qui va rejoindre le cast de Supergirl, puisqu'elle va remplacer Laura Benanti qui jouait Alpha. C'est quoi ce nom de merde? Allura Zor-El, donc dans la série de Greg Berlanti. Et c'est pas la première Lois Lane qu'on voit, puisque il y a Terry Hatcher donc, qui jouait Lois Lane dans Lois et Clark, avait rejoint aussi le cast la saison dernière, c'est ça? Ouais, enfin cette saison là en fait qu'il y a eu. Okay. De quoi, Terry Hatcher, elle a rejoint le cast de Supergirl? Ouais. J'ai pas commencé la saison 2. Tu viens de spoiler donc. Bon, excuse-moi. Mais c'est bien ça? Non. Supergirl? Non. Okay, c'est génial, Supergirl c'est génial. Est-ce que t'as vu la saison 2? Bien sûr, j'ai vu la saison 2. Est-ce qu'elle est bien? Mais elle est géniale la saison 2. Est-ce que Terry Hatcher est bien dedans? Franchement, j'étais rien que pour les scènes de combat, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il y a Terry Hatcher qui se bat. Non mais franchement, je m'attendais, j'ai dit bon, ils la font venir pour le petit côté coucou fan service, c'est mignon. Mais en fait, elle a un vrai rôle important. Et elle casse la gueule à Supergirl quand même, carrément. Hein. Mon dieu, ça donne pour rien. Si, ça donne, mais regarde-le. Non, moi en fait, je vais pas être méchant avec cette série, j'ai vu que le pilote, et le pilote m'a dit non mais laisse tomber, c'est pas pour moi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pilote, pas pour moi. Et puis même, c'est pareil, pourquoi est-ce qu'ils reprennent tout le casting de... Comment ça s'appelle? Oui, Yadin de Glissi. genre DC Comics, c'est genre... En fait, c'est une bande de copains qui connaissent tout le casting Flash de Glee, quoi. Ouais, Flash, genre Flash, Mark Hamill, il était pas dans Glee, hein. Non, j'ai pas dit. T'as dit Mark Hamill, j'ai entendu. Oui, bah, Mark Hamill, il était pas dans Glee. Bah si, parce qu'il paraît qu'il reprend les gens de Glee. Ah et non. Toi t'as dit Mark Hamill. Non, je croyais qu'il reprend les gens de. Il y a bien 5 ou 6 acteurs qui étaient dans Glee dans les séries. Il y a un méchant qui était dans Glee qui est là. On a trois. Mais non, mais enfin, si tu prends Flash, Arrow. Oui, tu prends Flash, tu prends Supergirl. Arrow, il était pas dans Glee. Non, mais il y a un personnage d'Arrow qui est dans Glee. Ah bon? Théa, elle est dans Glee, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, autant pour moi. Ok, bon bah tu t'es fait direct. C'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. Ça va... En fait, ça arrive, y a pas de problème. Et finalement, et pourtant, je suis pas trop fan parlé. De lui. Toi qui, ça te donne envie, Erika Durance? Non, je m'en fous, mais en fait, c'est-à-dire que Supergirl, la première saison, je l'ai vu, j'ai trouvé ça assez catastrophique et navrant et pas du tout aussi féministe. Ah oui, c'est Jessica que ça qui a dit c'était bien. Non, c'est Jessica pas du tout féministe. Ouais, n'a pas aimé la première saison non plus. En revanche, elle s'est mise à la saison 2. Là, elle a repris les séries de la CW, du Arrowverse. Et il paraît qu'elle est bien meilleur en tout cas que la première. Oui, c'est ce qu'elle disait l'autre fois, ouais. C'était un peu donc, mieux. Donc, ouais, bah, j'espère que ouais, ça sera intéressant la façon dont ils vont intégrer la Lois de machin, là, mais en même temps, c'est pas ouf non plus comme série, je pense. Ouais, ça vend pas trop du rêve. Mais sur une échelle Marlène, elle a mis combien dans la série? Fallait la placer, attends. Et on voit Superman là-dedans? Ouais, on voit, parce qu'il a été casté, il ressemble à rien. Bah, c'est un mec qui était dans. C'est ce que j'avais demandé, ils ont pris qui? C'est un mec qui est dans Teen Wolf. Teen Wolf, ouais. Ouais, Superman arrive dans la deuxième saison, il team up avec Supergirl, parce que voilà. Ok, bon voilà, on va passer à une autre news. Moi, je vais vous parler de Warner qui apparemment aime bien les singes, puisqu'après Matt Reeves, qui a réalisé les deux derniers opus de la licence de la planète des singes, qui va réaliser le film Batman, c'est Rupert Wyatt qui avait signé le premier reboot, qui, selon certaines rumeurs, attention, c'est des trucs à prendre au conditionnel, hein, qui devrait réaliser Green Lantern Corp, et le film qui devait sortir en 2020, et qui n'aurait pas un Green Lantern, mais deux Green Lantern humains dans son cast. Humain, parce qu'à mon avis, il y en aura des milliers des Green Lanterns. Selon encore encore une fois un truc à prendre au conditionnel, ce serait un Al Jordan dans la quarantaine et un jeune John Stewart qui sort juste de l'armée. Et selon les infos qu'on aurait apparemment Al Jordan serait un espèce de mentor de John qui, et c'est par lui qu'on découvrirait le monde des Green Lantern. Et moi je trouve ça assez cool parce que j'aime pas du tout Al Jordan comme personnage, je le trouve vraiment pas ouf, comme je trouve vraiment trop con pour dire. Du coup la passation de pouvoir te fait plaisir quoi. Ouais voilà, voir John Stewart. Bon j'aurais préféré voir merde comment il s'appelle l'autre. Ouais. John Stewart c'est pas quand même un perso qui était vachement populaire dans ouais les... bah ouais il est dans, dans les animés, il est dans l'animé Justice League. Ouais c'est un personnage quand même populaire, mais même dans le lore de les quatre sont aussi importants, non? Bah là, en ce moment, en comics, ce qui sort, Stewart est mis en avant par rapport au reste. Hein. Jordan est un peu en retrait. Les deux autres, Green Lantern humain, Kyle Rayner et Guy Gardner aussi. Gardner, ouais. Donc pour le coup, ça donnerait de l'eau au moulin à cette news. Effectivement, Stewart, il a une certaine popularité. Il y a la fille qui a pas mal rejoint le casting de Justice League. C'est vrai qu'il y a une fille aussi. Jessica Cruz. Ouais. Et Simone Baz, ils sont 6 en fait. Ah oui, ils sont 6, ouais, c'est vrai. 6 humains, alors que. J'aime beaucoup Simone Baz, moi, je l'aime bien comme personnage. Oui, le perso au début était très très bien. Il est donc immigré musulman aux États-Unis. Et tout le début de son apparition était plutôt bien fait pour un comics, attention. Et puis après, ils ont complètement zappé tout ça. Maintenant, il est en team-up avec Jessica Cruz. Ouais, mais c'est quand même. C'est fait à la truelle, là, pour le coup. C'est pas méga intéressant. Quoi, alors. Okay. C'est dommage, avant, c'était un petit peu plus. Pardon, ouais, non, je voulais dire ce qui me paraît intéressant avec cette news, c'est que du coup, on a Al Jordan qui a 40 ans et qui va former John Stewart, donc ça sous-entend qu'il est un Green Lantern depuis pas mal de temps, ouais. Déjà. Donc en fait, ça continue un petit peu ce que fait DC avec son univers cinématographique, c'est-à-dire que dans Batman v Superman, on se rendait compte qu'en fait Batman était présent dans cet univers-là depuis un moment déjà, depuis avant que Superman arrive, et là on se rend compte également que les Green Lanterns, c'est une force déjà bien installée dans cet univers-là. Et ouais, ça. Bah en même temps, le truc avec Green Lantern, c'est qu'ils ont tout un secteur, chaque Green Lantern a tout un secteur à s'occuper, et la Terre, dans les aventures de Green Lantern, c'est vachement mis en arrière. Il y a un crossover tous les 3 ans où Sinestro veut tout raser. Mais sinon, la plupart du temps, c'est dans l'espace. Oui, en général, ils sont très loin, ils sont dans leur coin. Ouais. Mais James, du coup, le film qui avait déjà été fait, Green Lantern, il va être compté. Il n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il y a eu un film Green Lantern. Pas vu. Hein, le fan film, là. Oui. Alors, le fan film qui était bien, c'était celui-là. Ah oui, le truc avec Nathan Fillion qui était pas mal. Ouais. Il était cool. Oui, des chances, ça s'améliore. Non, mais le film avec Ryan Reynolds, c'était une horreur. Hein. Alors, c'était une horreur, mais bon. On oublie ce film, s'il vous plaît. On va passer à une autre. Moi, déjà, la news Rupert Wyatt, je trouve ça cool, quoi. Ouais, ça c'est bien. C'est casse-gueule comme projet, mais pourquoi pas, on s'en fout, on verra. Yep. Ça va être super dur. Ouais, ça va être compliqué. Ça en plus. Ouais, mais tu peux pas rester sur ça de toute façon. Donc, ouais, mais adapter le pouvoir des anneaux au cinéma, c'est. Mais c'est vrai que c'est bah chaud, ça va. Plus de choses, hein, ça donc, va finir comme Captain Planet, comme dans le premier. Je sais pas si vous rendez compte dans le film Justice League. Donc, pour les gens qui ne savent pas, l'anneau de Green Lantern te permet de faire tout ce que tu imagines. Et dans l'animé Justice League, John Stewart faisait que des formes géométriques tout le temps, des triangles, des ronds, des carrés, des lasers, des poutres. Ouais, voilà. Il aime bien les poutres apparemment. C'est comme Al Jordan qui fait que des véhicules de l'armée. Oui, ouais, non, ouais. Parce que Al Jordan est débile. Mais oui. Je vais te dire ça, c'est normal, c'est des hommes. Il y avait un truc, une comparaison que je trouve intelligente à chaque fois. Donc Al Jordan fait toujours des avions, des motos, des trucs comme ça. Et à côté, t'as Sinistro qui lui fait des prisons entières avec son anneau. Donc voilà quoi. Romain, tu disais que le pouvoir d'anneau c'était compliqué à adapter au cinéma. Moi, ça m'a rappelé qu'il y a eu un moment des rumeurs. On pensait que le personnage de John Deagle dans la série Arrow allait devenir Green Lantern. C'est vrai, je me rappelle. On va passer à une autre news. Donc, c'est une news un peu plus, problématique. Ouais, on va dire ça. C'est The Divided State of Hysteria qui refait encore parler de lui. Donc, le titre de Image Comics signé par Howard Chaykin qui, après avoir fait parler de lui dans son premier numéro à cause de l'agression d'un personnage trans, fait encore une fois le scandale, puisque de la couverture 4 donc du numéro de la série, on y voit un personnage d'origine pakistanaise pendu, les parties génitales coupées et une insulte raciste posée sur son t-shirt. Et beaucoup de monde ont hurlé au scandale sur Twitter, notamment même des artistes de chez Image Comics, dont Becky Cloonan, Andy Eagle et Alex DeCampi, qui a dit que Chaykin avait dépassé les limites, que c'était une ordure et qu'il pouvait aller se faire foutre. je cite, hein, donc bah, après que une menace de boycott du titre de tous les titres de l'éditeur a pointé le bout de son nez, Image Comics a vite retiré la cover en disant non, s'il vous plaît. Ils ont publié un texte aussi. Oui, ils ont publié un texte et j'ai sélectionné. Pour être honnête, c'est Vincent qui m'a aidé à sélectionner 2-3 morceaux du texte. Donc il y a un long message d'excuses sur les réseaux sociaux. Je vous en dis un petit bout. Alors, ce comic book est né d'une colère et d'une frustration d'injustice. Le but de cette série est justement de tirer la sonnette d'alarme. The Divided State of Hysteria est un comic book sur le terrible futur qui nous attend si notre pays ne change pas de cap. Nous vivons dans des temps difficiles et ce comic book met le projecteur sur la situation préoccupante de la société. Il n'est absolument pas fait pour blesser des gens. Nous comprenons cependant que sans contexte sur la série, la couverture de ce numéro est douloureuse et offensive. Si Image Comics est une société qui est dédiée à la liberté d'expression et artistique, nous reconnaissons aussi notre responsabilité d'être sensible à tous les membres de notre lectorat. Donc voilà, ils se sont excusés dans un message un peu digne où ils expliquaient un peu le contexte de la série, ce qui est assez intelligent je trouve. Et Warshakin, quant à lui, dans un interview, il a dit qu'il fallait faire une grosse différence entre l'acte et la représentation de l'acte, et qu'il espérait que tous les gens qui se sont indignés et qui ont ragé sur cette couverture garderont cette rage pour les élections demi-mandat aux États-Unis. Et voilà, bon, moi j'ai pas lu la série, donc je pourrais pas vous en parler, mais... J'ai feuilleté un peu, mais je comprends pas vraiment la polémique. C'est juste parce que c'est dans le futur, mais quand est sorti Strange Fruits, il y avait des pendaisons, il y avait du racisme à gogo, et pourtant... Ok. Garcenis aussi dans Preacher, voilà, elle en a fait quelques-unes où... C'était bon, c'est polémique pour polémique, oui, ça commence vraiment à être relou en fait. Dès qu'il y a un truc qui sort un peu des sentiers, ouais, c'est hardcore. J'ai lu des reviews, j'ai pas lu le comic, j'ai lu des reviews. A priori, le sujet, c'est ça, effectivement. C'est un signal d'alarme sur le fait que et les États-Unis, même le reste de la planète, étaient en train de tourner un peu à droite qui va bien. Du coup, c'est plus dans la dénonciation de cet état de fait que dans un truc basique. Je suis pas persuadé que les mecs qui crachaient l'élu, déjà. Mais le truc qui pose problème, c'est que dans son comic, à la fin du comic, Warshakin a laissé un mail en disant: si vous avez un problème avec mon comics, si vous voulez faire une réclamation par rapport à mon comics, vous avez ce mail, vous pouvez râler. Personne n'a envoyé de mail, donc ça veut dire qu'en fait les gens ils râlent que sur les scandales qu'ils entendent sur Twitter et les covers qu'ils voient passer. Ils lisent pas vraiment le comics, donc ils comprennent pas le message et en fait ils font que râler sur un puis les appels au boycott et à l'interdiction, ça aussi, moi ça commence à me casser les noix un peu. Explique, sois pédagogique, effectivement, cherche à comprendre, dis que c'est pas bien, boycotter, interdire aux artistes de faire leur art. On a vu sur Secret Empire avec les comics brûlés sur internet, ça n'a pas de sens. Oui, au bout d'un moment, ou même c'était Adrian Siaf qui avait fait aussi un peu n'importe quoi sur le premier X-Men. Bon, ben voilà, t'expliques derrière. Non, mais là, c'est pas pareil du coup. Oui, mais bon, c'était bon, vachement plus personnel comme démarche. Mais bon, à un moment donné, oui, il faut peut-être arrêter un peu que la mauvaise hype. Au contraire, ça se trouve, en plus, le message a l'air positif derrière, même si on en parle en même temps, donc tant mieux quoi. Mais ouais, faut peut-être qu'ils se calment un peu les polémiqueurs, là, ça commence à être trop lourd. Il y a la liberté de parole, qu'on soit pas d'accord avec ce qu'il met, c'est une chose, mais la personne a le droit de s'exprimer. Faut respecter ça. Après, avant de râler, bah, il faut lire et voir ce qu'il y a derrière. Tu regardes la cover, elle est choquante. Oui, non, mais je l'ai vu, la cover. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de râler, déjà, dans un premier temps, il faut regarder ce qu'il y a derrière et voir si le gars, ce qu'il a mis en couverture, c'est juste pour justement faire de la pub et attirer les gens sur son histoire. Oui, c'est pour faire du buzz, clairement. Si c'est juste pour faire du buzz, il faut essayer de comprendre et pas répondre bêtement. Et c'est vrai que qu'avec les réseaux sociaux, la plupart des gens s'emballent parce que ça fait bien de dire on est contre ci, contre ça. Et des fois, les gens, ils s'enfadent pour pas grand-chose. Oui, après, oui, c'est vrai que le racisme et tout, c'est un sujet qui est grave, mais... Avant, il faut essayer de voir si c'est juste un coup publicitaire et râler parce que la personne utilise la violence pour se faire des sous, ou s'il y a vraiment du racisme derrière. Vincent, tu voulais dire... Ouais, j'ai pas lu le comic, à vrai dire, j'ai même pas trouvé la couverture, elle a disparu de Google, mais de ce que j'en ai lu, ils ont précisé chez Image Comics qu'ils n'auraient pas publié ce comic-là si le but de l'auteur c'était juste de provoquer bêtement, et qu'il y avait un message de dénonciation derrière qui était pertinent et qu'il soutenait. Et ouais, moi je pense que ça choque, mais c'est normal que ça choque, c'est comme ça que tu fais réagir les gens, que tu fais s'intéresser les gens à ton message. Et ça m'a rappelé, alors du coup, un jeu vidéo qui s'appelle Spec Ops The Line, qui était sorti sur PS3 360, où tu incarnais un militaire américain qui allait à Dubaï et ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Ouais. Et en fait, à un moment, tu te retrouves à bombarder des gens au napalm. Et il se trouve qu'en fait, donc c'est horrible ce que tu fais, tu crames des gens, mais en même temps, tu vois ton reflet dans un miroir, dans le miroir de ton bombardier, là, je sais plus, de ton truc qui te diffuse le napalm. Ouais. Et du coup, en fait, tu prends conscience que c'est toi-même, ton personnage, c'est ta responsabilité, c'est toi qui est impliqué dans le fait de bombarder des gens au napalm. Et tu vois, ce que tu fais, c'est horrible, mais il y a un contexte, il y a une intention derrière, c'est de te faire comprendre que c'est pas normal ce que tu fais. Et je pense que effectivement The Divided States of Hysteria là, il ne faisait pas ça gratuitement, en tout cas de ce que j'en ai lu. Voilà. Oui, Check-in a l'air d'avoir un vrai message derrière, un vrai truc. C'est pas du Mark Millar ou du sans vouloir cracher gratuitement sur Millar, mais ouais. Non. Après, quoi qu'il en soit, les avis négatifs sont hyper mis en avant sur les réseaux sociaux par rapport aux positifs. Donc, dès qu'il y a un mot de travers, c'est surtout Twitter, c'est horrible. C'est ça en fait. C'est hyper amplifié. Les gens ont pas de filtre parce qu'ils pensent qu'ils sont peut-être complètement intouchables, etc. Et puis de toute façon, plus t'es cru et désagréable, et plus tu buzzes sur Twitter. En même temps, moi, ce qui me gêne un peu, c'est Becky Cloonan, Andy Eagle, enfin des gens de deux Image Comics qui se permettent de juger des fins. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est des artistes qui expliquent à d'autres artistes qu'il faut se censurer. Ouais, ça commence à être un peu tendu. Ouais. Mais du coup, le truc, c'est hyper subjectif, quoi. Genre, enfin, on est vraiment en plein dedans, quoi. Mm. Oui, en plus, c'est intéressant. Un artiste, comment faire son taf, quoi. Genre, c'est sa sensibilité, c'est sa personnalité qui ressort sur ces trucs-là, de toute façon, quoi. Donc. Effectivement. Donc bah voilà, je pense que si ça sort en VF, je l'achèterai. Ouais, moi aussi, tiens. Pourquoi pas, parce que le comic, ça a l'air sympa. Donc voilà. On va passer à la première pause musicale, et c'est Sheer Mag, Se Fermi. Et c'est un titre que j'ai écouté grâce au club, je pense que je vous en parlerai en coup de cœur ou en attente. Into the game. Allez, on ne... Excusez-moi. Spoiler, attention. Donc, c'était Cheermag, Suffer Me. Et on va vous parler de Detective Comics. Le titre qui prouve que Batman est le plus grand, le plus grand détective de tous les temps. N'est-ce pas, Faye? Non, je ne suis pas d'accord. C'est Sherlock Holmes. C'est un débat entre nous. Jessica Fletcher. Enfin, ça, c'est autoproclamé encore. Hein. Bah non, c'est Batman. Il n'y a que Batman. Attends, le titre Détective Comics. Qui c'est qui a dit ça? C'est lui-même. Un jour, il s'est levé, il faisait pipi. Il a dit oh, je suis trop le meilleur détective. Non, il faisait un bat pipi. Non, même pas. C'est en fait, c'est Tim Drake qui autoproclame Batman meilleur détective. Donc, genre, tu vois, c'est un petit puceau qui a dit ça. J'ai été formé par le meilleur détective. Oui, non, mais c'est parce que c'est le sous-titre de Batman. C'est toujours le détective de merde. C'est Bob Kane qui a dit que. C'est genre. Ils utilisent des personnages pour gonfler les chevilles de Batman sur ce coup-là. Ouais, il a déjà les donc, chevilles assez gonflées. On va pas partir sur des débats débiles. C'est moi qui les lance. C'est en Corée du Nord, les gars. Alors, c'est un titre où Batman crée une espèce de team avec plein de personnages. Et avant de parler du scénario, je voulais que Faye nous fasse un petit récap sur chaque personnage. Oui. Non Oui, je peux le faire. Vas-y. Essayer. Je vais tenter. Et après, Bertrand parlera du scénario. Alors, il y a Batman. C'est Batman. C'est Batman. C'est le meilleur. Bruce Wayne. Bon, je vais pas vous faire toute sa vie. Vous connaissez le pauvre orphelin, famille tuée, enfin, patata. Déprimé, pas bien, vit dans un magnifique château avec un vieux. Enfin, vous connaissez. Hein. On va faire tout historique. Avec un vieux, avec Alfred. Il est vieux. Bon, ensuite, on a Batwoman, qui est en fait. Alors, attention, c'est l'instant amour, gloire et beauté. C'est en fait la cousine du côté maternel de Bruce Wayne. Elle s'appelle donc Kate Kane, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est magnifique. Et donc, elle était dans l'armée. Elle a été renvoyée pour quelconque raison, j'ai pas bien compris. Parce qu'elle est lesbienne. Ouais, ah, c'est pour ça, d'accord. Je n'avais pas eu la réponse. Donc voilà, elle a été renvoyée de façon injuste. Ouais, mais ils sont passés très très vite dessus. Hein. Ouais, non, oui, mais dans son titre à elle, c'est un peu plus. Ouais, mais je me rappelle plus bien. Puis quand je fais des recherches, bizarrement, c'était pas bien indiqué. Ah ouais? Il y avait marqué genre parce que c'était. Si, ils le disent même dans celui-là. D'accord, ok. Oui. Bah, ça m'est passé au-dessus, je m'en excuse, en tout cas, c'est dégueulasse. Donc, elle aime bien Batman, donc elle veut refaire comme lui, donc c'est pour ça que c'est. Qui s'appelle Batwoman, et elle bosse avec son papa. Ouais, c'est intéressant. Voilà. On a ensuite alors Gueule d'Argile, qui est un personnage que j'aime beaucoup, que j'avais découvert. Les Face en VO. Oui, voilà. Que j'avais découvert dans la série animée de Bruce Timm. Mmh. Donc, lui, il a une histoire assez triste. C'était un acteur promis un brillant avenir. On parlait de lui pour un Oscar, et puis un jour, bam, un accident, et il s'est transformé en monsieur pâte à modeler en quelque sorte. C'est un peu Mark Hamill qui a mal tourné. Oh, ah non, alors ça, tu retires direct. D'accord. Ça, non, Mark Hamill est un trésor mondial de beauté, de charisme et d'humour. C'est terrible, quoi. Voilà. On ne touche pas à Mark Hamill. En plus, c'est faux parce que Mark Hamill a mal tourné, il ressemble pas à ça. Mais il a pas mal tourné, peu cher, c'est pas sa faute. Bon, bref. Le défend. Donc, le pauvre gars, il est pas bien dans sa peau, en tout cas, les petites gueules d'argile. C'est un méchant, mais en même temps, pas très méchant que ça. Enfin, c'est assez compliqué, on en parlera un peu plus au niveau du scénario. Oui, je pense que t'as pas dit que c'était un métamorphe, c'est tourmenté. Oui, tourmenté, oui. T'as pas dit que c'était un métamorphe? Bah, je dis qu'il se transformait en pâte à modeler, c'est bon. Oui, en pâte à modeler métamorphe. On a compris, quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Voilà. Alors ensuite, qui c'est qu'on a? On a Spoiler. Et oui, en fait, elle vous spoil toutes vos séries. Oh mon dieu. Il s'agit de Mademoiselle Stéphanie Brown. C'est cet ami Facebook, là, celui-là. Ah ouais, cet ami, là, qui, dès qu'il voit Game of Thrones, il se dépêche de regarder pour vous le dire. Celui qui va virer dans 10 jours. Voilà. Donc, en gros, elle est la fille du maître des indices. Et son personnage est né parce qu'en gros, elle voulait que son père se fasse arrêter parce qu'elle était un peu contre ses activités criminelles. Donc, en fait, elle semait des indices pour que Batman puisse attraper son père. Et c'était ça le principe de Spoiler. Et apparemment, elle a aussi été Batgirl pendant un moment. À ce que j'ai vu, c'était un personnage qui est apparu en 92. Mais en fait, Robin. Et Robin elle aussi. Elle a été Catherine Robin après Tim Drake, qui est son papa, il l'a puni dans sa chambre. Donc, elle a repris le costume 5 minutes et puis elle l'a balancé. C'est elle qu'on voit dans The Dark Knight Returns, c'est ça? Non, c'est une autre. Mais elle reste Robin pas très très longtemps. Okay, en fait, ce que t'as dit, c'est son, c'est ses origines New 52 en fait. Ok, d'accord. Parce que Stephanie Brown, je crois que c'est Bad Girl. C'est très vieux. Ouais. Je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé aussi en faisant mes recherches. Il y avait la même origine. Ok, bah vas-y. Ensuite, on a Orphan, donc qui est Cassandra Cain. Alors si j'ai compris, elle c'est la fille d'un d'un assassin qui voulait qu'elle devienne un assassin. Ouais. Et sa mère, apparemment, je crois que c'est Miss Shiva, un nom comme ça. Lady Shiva. Lady Shiva, voilà. Et bah, finalement. Ça, c'est, du coup, c'est pas la peine de lire la suite de la série parce que c'est, ouais. C'est le gros ressort émotionnel dans deux arcs. Ah oui, d'accord, ok. Bah, je sais pas pourquoi je le sentais venir. Et donc, en fait, c'est une experte en arts martiaux. Enfin, elle est trop balèze et compagnie. Et à un moment, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a laissé tomber son père pour aller bosser avec Oracle et elle a été aussi ouais, une bad c'est girl. Une ancienne bad girl aussi. Et le personnage est apparu pour la première fois en 99. Ouais. Et okay. C'est un peu c'est genre la combattante de la Bat Family, celle qui casse des bouches à tout le monde en fait. C'est une sauvage elle. Ouais, ouais voilà. Et elle, son ressort un peu scénaristique c'est qu'elle parle pas en fait. Enfin, oui, ah oui j'ai oublié de le dire en fait à cause de l'entraînement qu'a fait subir son père, elle est devenue muette. Mais normalement enfin je sais pas s'ils l'ont gardé ou supprimé, je me rappelle plus. Mais à un moment en fait grâce à Oracle et l'entraînement qu'elle fait pour être Bad Girl, elle retrouve peu à peu la parole. Okay. Là c'est, bah, elle est vraiment mutique. Là, c'est elle est un vraiment... mot droit deux trois syllabes je crois. Ouais, ouais c'est ça. Ça. Je crois que c'est 2-3 syllabes par chapitre. Mais du coup, ça va ouais, genre sauver, machin, etc. Enfin, ouais. ça va pas très loin. C'est même sauver qu'elle parlait aussi, mais j'étais plus sûre. Et pour finir, on a Red Robin, qui est donc Team Drake, qui est le troisième Robin. Ouais. Donc, c'est un enfant intelligent, doué en informatique. Quand il était jeune, il était trop fan de Batman et Robin. Et puis, bon, bah, vu qu'il est intelligent, pour une fois, quelqu'un est intelligent d'ailleurs, il a vite compris qui était Batman et qui était Robin. Bah, donc, pendant un moment, c'est le seul qui avait deviné qui était Batman. Tout à fait, mais c'est ce que je... Oui, non, mais... Ouais. Et donc, non, bah, il était voir Batman, et puis il lui a dit, salut, chez qui tu es, machin. Et il est donc devenu le troisième Robin, et ouais. Il avait une influence assez positive quand même sur Batman. Jusqu'à ce qu'il se fasse botter le cul par Damian Wayne. Ouais, voilà. Et qu'il devienne Red Robin. Voilà. Ouais. Et il apparaît pour la première fois en 89, il me semble. Mais il apparaît dans Death of the Family, le moment où Jason Todd se fait un peu caresser Man. Avec une barre de fer par le Joker. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, Bertrand. si tu veux parler du scénario. Oui, c'est moi, je parle du scénario. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Détective Comics. Exactement. Donc, en gros, Batman retrouve, alors j'ai un doute, si c'est Azrael ou Azazel, je crois qu'on fait. C'est Azrael. Azrael. Voilà, c'est ça. Comme le chat de... Voilà. De Gargamel. Donc, il retrouve Azrael dans une église mal en point, voilà, et décide de trouver le pourquoi du comment. Il demande donc de l'aide à sa cousine, Batgirl. Woman. Afin qu'elle mette. Oui, c'est Batwoman, oui. C'est Batwoman. Oui, je vais y arriver. Oula, c'est compliqué, trop de Bat. Ouais. C'est que moi, Batman, tu sais bien que c'est pas mon truc, mais. Oui, oui. C'est comme les Lopez, un peu Batman, il y en a plein, quoi. Pardon. Encore donc, plus avec Batman. Nick Lopez. Ouais. Fais gaffe, ça va finir en truc raciste sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui, putain, merde, de la MR, je vais me faire casser la gueule par. Les gens, ils vont boycotter comme ils se verraient. Désolé, pardon, je retire. Donc Batman demande à sa cousine de l'aide pour qu'elle mette son expérience militaire dans l'entraînement de ses nouveaux protégés, donc qui sont les personnages que Faye a cités précédemment. Donc j'ai perdu le fil. Tout ça, voilà. Donc Batman veut trouver qui les surveille, qui les traque, qui est cette organisation qui cherche à les éliminer et à se renseigner sur eux. Donc, okay. Qui est la colonie. Oui, la colonie ou la Ligue des Ombres, hein. On ne sait pas trop. Et je vais demander à Romain de faire le dessin. Si vous parlez un peu du dessin de Eddie Barrow, parce qu'on n'a même pas dit de qui était le... C'est James Tynor IV qui est au scénario. Et Eddie Barrow, c'est Eddie la Barrow. Même équipe que sur Nightwings. C'est sur Grayson plutôt, non? Non, Nightwings. Ah, Nightwings. Le début de Nightwings, après ils ont changé de... Ok. De dessinateur. Je crois que c'était Grayson, je sais pas, j'ai pas encore lu. Mais ils ont pas travaillé aussi sur des Green Lantern? Peut-être. Au moins un des deux, il me semble. Il a fait du Manhunter pas mal, Eddie Barrows. Ouais. Il a fait Earth 2. Mm-hmm. Et je sais plus quoi, il a fait d'autres. Ah, c'est vrai que c'est lui sur Earth 2. Earth 2, c'est nul, hein. Ne lisez pas. Je. Oui. Et Tynan 4, pour le petit anecdote, c'est l'élève de Scott Snyder. Voilà. Voilà. Voilà, bah en gros c'est du style Batman assez classique, il y a beaucoup d'ombrage, c'est très sombre, moi c'est ce que j'aime, hein. C'est vraiment la technique un peu tatouage où c'est l'ombrage qui compte, si on vire toutes les couleurs, on voit tout le dessin, tout est super lisible. Après il y a une petite particularité, c'est que tout ce qui est écran de télé derrière c'est une espèce d'aquarelle, je sais pas trop. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que quand il introduit ses personnages, il a des portraits en aquarelle. qui introduit chaque personnage. Donc ça commence quand on a Gueule d'Argile au cinéma, où on va nous raconter sa petite histoire. Il y a un super portrait de Gueule d'Argile. Effectivement. Voilà, qui fait ça. Il y a tout le monde, sauf Orphan, puisque son histoire, apparemment, on la connaîtra plus tard. Plus tard. Donc c'est bien fait, il y a bien pensé. Après, on a un petit changement en cours de route. On a Alvaro Martinez et Al... Barry Nuevo. Ouais, bien joué. Un truc comme ça, ouais. j'avais mal écrit. Donc voilà. Du coup, c'est là qu'on voit qu'il y a une disparition des petits portraits en aquarelle. Parce que apparemment, le comics en édition, c'est même pas du mensuel, c'est du deux fois par mois. Donc pour le coup, effectivement, Barroz fait tout le premier arc et après il est en alternance avec Martinez. Mais pour le coup, le rythme doit être assez soutenu. Et effectivement, c'est dommage qu'il ait un peu laissé tomber cette technique de petite aquarelle. Toutes les scènes un peu émotionnellement fortes et c'est... tout ça a été bien mis ouais, en on a des trucs pas mal. On a le petit rendez-vous entre Tim Drake et Spoiler où on en apprend plus sur leur relation quand Batwoman elle reprend les rênes de l'entraînement, qu'on voit qu'elle commence à choper en main la Bat-Family League 2. Ouais. Et voilà, c'est sympa ces petits portraits. Sinon le reste, ça reste vraiment de tout ce qui a été fait sur c'est très propre sur Batman. C'est très propre, c'est pas du tout cartoon, avec beaucoup d'ancrage et voilà, c'est du bon dessin de Batman, moi je trouve. Voilà. Que c'est vraiment c'est efficace, c'est très hein. Bon. Ouais. D'ailleurs Alvaro Martinez et Al Barrio Nuevo, ils ont beaucoup travaillé sur Detective Comics et ils ont quasiment fait que du Batman pour DC. Mais je trouve que le style, moi je crois que j'ai même pas détecté les moments où ça changeait de Non, il y a vraiment que ce côté aquarelle qui change. Ouais, ils ont des styles vraiment qui se ressemblent. Oui, moi dans le dessin, ce que je notais au niveau de la coloration, c'est que oui, on avait beaucoup de tonalités sombres, bleu foncé, noir, mais il y avait parfois en arrière-plan, donc justement des couleurs orangées, jaunes, qui représentaient le feu, et je trouvais que ça permettait de faire sentir le danger, parce que nos persos, ils sont dans un état où voilà, ils doivent se préparer pour une guerre, une baston, et là justement qu'on ait le feu derrière qui semble comme venir casser le décor naturel, c'est on sent vraiment qu'ils sont à deux doigts d'avoir leur vie, leur univers chamboulé, et je trouvais que les couleurs ça rendait bien ça, et c'est comme aussi le découpage des cases, où on a souvent des grands plans où on a l'impression en fait que le décor écrase nos héros. Mmh. On a vraiment l'impression qu'ils sont cernés de tous les côtés, et ça rajoutait encore dans le côté urgence, je trouve, de l'histoire. Il y a vraiment ça, il y a vraiment le côté aussi quand c'est des discussions, des dialogues, qu'on est un peu au repos, on voit l'intercase blanc assez marqué. Et il disparaît complètement pendant les grosses périodes d'action, parce qu'on a un découpage en biais qui est avec des cases qui se superposent. Qui est très sympa d'ailleurs. Ouais. J'ai trouvé que la mise en page était super cool, moi. Puis des fois, on a des transitions où, par exemple, on va utiliser le signe de Batman pour faire passer à autre chose. Et ça me faisait un peu penser à ce qui était utilisé sur la vieille série télé Batman. Donc je trouvais que ça faisait vraiment un côté dynamique, en fait. Sur la colo aussi, je trouve qu'il arrive bien à utiliser chaque couleur des personnages. Quand c'est Batwoman, c'est très noir et rouge. Mm-hmm. Quand c'est Tim Drake, c'est un peu plus bleu et malgré ça, c'est pas agressif, quoi. Ouais. Vincent, t'as peut-être un petit avis sur le titre, vu que t'es celui qui a lu le moins d'issues, du coup. Moi, j'ai remarqué un contraste récurrent. On a souvent du coup beaucoup de bleu et beaucoup de rouge, en fait, et il alterne soit alors du coup on va avoir une case qui est vraiment toute bleue comme au tout début quand Batman se penche vers Azrael, où c'est bleu de partout, et juste avant d'ailleurs quand il combat Azrael, c'est rouge, et ouais, c'est très sympa. Après moi je sais pas trop vous analyser le dessin, j'en suis pas capable. J'ai trouvé c'est quand qu'on parle de l'histoire, en fait. Bah vas-y fais-toi plaisir. Moi j'ai trouvé le pitch pas très original, mais la façon de raconter était quand même sympathique. Alors du coup moi j'ai lu que les deux premiers issues, donc ça n'a pas le temps de se développer des masses, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'équipe, en fait. Je trouvais qu'elle était composée de personnages assez variés, en fait. Déjà c'est intéressant de retrouver Gueule d'Argile, qui est habituellement un méchant de Batman. On retrouve, spoiler et Orphan, c'est des personnages pas vraiment connus, d'ailleurs, il me semble. Ouais, pour le grand public, ils ont été connus sous d'autres noms, mais pas comme ça. Voilà, et puis pas mal oublié, je crois, parce que du coup, tu nous as dit que spoiler, c'était en 80. Je sais plus. Batgirl, elle était dans la série de 66. Ouais, d'accord. Internet, j'avais trouvé qu'il disait qu'elle était apparue en 92. Ouais. Sous cette identité. Des personnages qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, peut-être en dehors des comics en tout cas. Et puis surtout des personnages qui ont une personnalité vraiment vraiment variée. Orphan du coup, Orphan, elle ne parle pas. C'est une combattante aguerrie et elle c'est plutôt du coup elle agit plutôt qu'elle parle. À côté de ça, on a Clayface qui est une sorte de super-héros en devenir en même temps qui est un petit peu flippé. J'ai cru remarquer ça. Je sais pas. Bon, on a Tim Drake qui prend un petit peu toutes les responsabilités Tim Drake, il est très dans la stratégie, tout ça. Ouais, c'est ça. Il essaye de prouver à Batman qu'il est digne de son héritage. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez des personnages? Je trouve qu'il y a de bonnes relations entre les persos. Par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est que ce titre, ils font une meilleure introduction, tu vois, que Suicide Squad. C'est-à-dire, Suicide Squad, on aurait dû avoir cette introduction-là de personnages. Parce qu'on a les persos qui sont montrés. Et à la fois on explique qui ils sont et tout en continuant l'action. On n'a pas genre blablabla, je t'explique qui c'est. Bon, t'as pas compris, je vais te re-expliquer qui c'est. Et en plus après je vais te dire pourquoi on veut utiliser. On les voit vite interagir ensemble. Personnages et tout machin. Voilà, là c'est direct. Ils présentent vite fait, ça rentre ensemble, ça commence dans l'aventure. On perd pas de temps. Et ça, je trouvais que c'était super bien fait. Après, comme t'as dit, l'histoire c'est classique. Une menace arrive, faut qu'on se prépare. On a vu ça partout, comme par exemple dans la saison 7 de Buffy. En même temps, c'est un truc de team-up, donc il faut enfin, ce qu'on veut voir, c'est l'équipe qui arrive et qui casse des bouches, quoi. C'est moi le seul truc que j'ai trouvé dommage sur ce début, c'est que j'ai trouvé que c'était hyper maladroit sur la manière dont ils ont amené la menace, quoi. Genre c'est mal fichu toute la partie avec Azrael au tout début. C'est, je trouve que c'est assez mal fichu parce que ils exploitent pas assez le côté persécuté du personnage, parce qu'on apprend après qu'il est complètement paranoïaque depuis quelques jours. Donc c'est pour ceux qui savent pas, Azrael en fait c'est un ancien assassin qui essaye de se racheter un peu une conscience, de ce que j'ai compris. C'est Jean-Marc Vallée qui a été Batman à un moment quand Bruce Wayne avait le dos fracassé par Bane. Voilà, et du coup là où c'est dommage, c'est que il y a un gros potentiel pour introduire un peu la menace, et en fait on lui casse la gueule et puis on dit que c'est à cause de Batman. Et puis on cherche un peu intéressant. La menace en fait elle arrive en douceur, sinueux, et puis après parce que en gros la manière dont c'est amené, c'est que Azrael pense s'être fait agresser par Batman. Ouais. et en fait on comprend pas, enfin tu sais, si tu remets les choses en place un peu dans la suite, genre les espèces de mini troopers, de mini bat troopers qu'on a dans la suite, sans spoiler ou quoi, ça justifie pas forcément le fait que lui ait pensé qu'il soit fait attaquer par Batman, etc. C'est un peu maladroit, sur même le même silhouette. Le coup des drones aussi, je trouve ça assez maladroit. Voilà, c'est en fait toutes ces choses-là. Batwoman s'est pas rendu compte qu'elle est suivie par 30 drones. Voilà, c'est ça. Au début, tu te dis, les drones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un hologramme de Batman, ou comment ça se passe? Il y en avait un qui avait une cape, ou en fait, non, même pas. Donc c'est hyper maladroit sur ça. Ils sont restés en contre-jour tout le temps. Voilà, c'est ça. En gros, c'est juste pour dire, il faut absolument que Batman il aille chercher quelqu'un, tu vois. Genre, il a besoin d'aide et tout. Donc, c'est un peu maladroit sur ça. Voilà, c'est un peu le gros bémol que j'ai sur. J'ai trouvé ça très bizarre que Batman aille chercher de l'aide. Déjà, mais en fait, c'est juste un prétexte pour l'effacer, quoi. Oui, c'est ça. Parce que du coup, c'est un comics Batman presque sans Batman, quoi. C'est clair, il monte son équipe de CFA et puis il se casse. Mathieu, t'as peut-être un petit avis. C'est Giro, Batman. Alors, moi, j'ai lu un peu après. Du coup, je sais plus à quel moment t'apprends que la menace en question, elle est 3 niveaux au-dessus. Et du coup, la construction de l'équipe de Batman qui en fait d'entrée de jeu des espèces de baroudeurs qui poussent à fond dans le dernier retranchement, ça s'explique à ce niveau-là. Après, je suis d'accord sur le fait que c'est un comics, les premiers numéros d'un relaunch, donc il faut réintroduire de la menace, il faut réintroduire des méchants. Au début, c'est un peu tiré par les cheveux. Après, c'est vraiment. C'est moi j'ai trouvé ça vraiment blockbuster comme comics. Ouais. C'est-à-dire que t'as tes 25% d'action, t'as tes 20% d'émotion, c'est un peu fun, c'est gavé de personnages, c'est péchu, ça part de partout. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que t'as une belle implication des personnages dans l'histoire. Là, ça va tourner autour de Batwoman parce que son papa, il est pas blanc. Ensuite, il y a quelque chose, sans spoiler, autour de Cassandra Crane. Il se passe un truc avec Tim Drake à un moment donné dans le comics qui a une grosse influence sur Spoiler. Le deuxième arc, c'est sur le syndicat des victimes, il est assez fort en émotion aussi à un moment donné. Et pour le coup, le fait que les personnages soient aussi impliqués dans tout ce qui se passe, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Ça va pas révolutionner rien du tout. Par contre, ouais, c'est vraiment une lecture agréable. Les dessins de Barrow sont vraiment dynamiques. Super. C'est super efficace. Mais c'est un comics parfait d'été en fait. Ouais, voilà, ça passe. À lire sur la plage, divertir. On en parlait la dernière fois. Qu'est-ce qu'on recommanderait pour commencer le comics, quoi? Voilà, c'est ça. C'est hyper agréable visuellement. Si tu connais pas l'univers de Gotham, il y a. Ouais, encore que. Tu sais, genre moi, je pensais que je connaissais Batman et en l'occurrence, genre il y a des références que j'ai pas forcément. Et malgré ça, ça passe plutôt bien. C'est surtout en fait quand tu commences à rassembler les personnages, genre ils font beaucoup de références à leur passé, ce genre de trucs. Oui, bah oui. Et là, forcément, si t'as pas suivi, mais apparemment, même pour les gens un peu plus renseignés, c'est pas forcément évident non plus. D'autant plus que là, vraiment, il construit un peu son récit et après, ça suit. C'est-à-dire que vraiment, ce qui se passe après, tu vas retrouver Azrael, tu vas trouver la colonie, tu vas retrouver 2-3 trucs. Et ça fait pas artificiel avec un arc, un méchant, j'y pète la bouche, un arc, un méchant, j'y pète la bouche. Disons que si t'as le courage de passer les références que tu comprends pas, genre si t'as le courage dans les 3 pages, les chercher, après, ouais. Genre ça coule de source, quoi, et c'est pas du tout gênant. Ouais, après, les récits suivants, ça s'enchaîne vraiment bien, t'as pas besoin de savoir qui c'est bien. Pour toi Bertrand, qui a peut-être un peu moins de références, j'ai aucune référence sur Batman, et ben j'ai pas été perdu une seule seconde. Donc, franchement, c'est cool. T'as apprécié quand même pourtant j'ai horreur de Batman, hein, tu le sais, hein, mais franchement je l'ai lu d'une traite. Horreur de Batman. Ouais, mais là c'est pas un vrai Batman, tu vois. Bah c'est peut-être pour ça en fait, je me dis. Genre il l'écarte hyper rapidement et ils essayent de se concentrer un peu. Alors du coup on n'arrive pas forcément à savoir, genre est-ce que c'est Batwoman, est-ce que c'est Tim Drake ou pas. Bon a priori c'est plus Red Robin parce qu'il décrédibilise énormément Batwoman, je trouve. Genre, elle est pas foutue de savoir qu'il y a des drones qui lui courent après, alors qu'il y en a genre 45. C'est pareil. En genre, même temps, quand tu sautes de toi en toi pour aller casser la bouche à des, bah, à des criminels, ils sont où, partout. Du coup, ils sont où, sans déconner. Puis bon, je sais pas où on en est dans l'univers ou quoi, mais genre, honnêtement, les drones ça court pas les rues non plus, quoi. Mais je vous dis, c'est le casque, elle pouvait pas bien tourner la tête. Ça, puis en plus, elle a des cheveux accrochés au masque. Du casque perruque. Le casque perruque, j'ai trouvé ça génial. C'est une bonne idée. J'ai trouvé ça incroyable. Le casque perruque, non, mais c'est une bonne idée, comme ça, on sait pas. Mais le personnage est sympa, c'est pour laisser de l'aura à Batwoman, en fait, vraiment, je pense. Ouais, non, mais c'est le casque perruque. Mais non, mais même au-delà de ça, en fait, je trouve qu'il la décrédibilise à mort parce que t'as l'impression qu'à chaque fois qu'elle prend une décision, bah c'est pas la bonne, ou alors il y a quelqu'un qui lui dit qu'il fallait peut-être qu'elle fasse autrement, ou alors machin. Bah, c'est peut-être pour montrer qu'ils sont pas encore la cohésion de l'équipe. Genre, elle voit rien. Je peux pas spoiler, mais genre, franchement, il y avait 3 trucs à voir dans tout le scénar, elle en a vu aucun, quoi, c'est incroyable. Non, mais c'est pour montrer qu'elle peut pas être le leader d'équipe dès le début. Puisqu'elle le devient à la fin. Oui. Au final. Ouais, mais parce que. Dans l'action, elle devient leader. Parce que Red Robin. Voilà quoi. Enfin, c'est ça le truc en fait. En fait, Red Robin, il a une espèce d'aura. Tu sais, genre, il est parfait. Mais c'est le plus grand stratège de l'univers. Genre, il est parfait. De DC. Genre, il est parfait. Genre, enfin. C'est sûr que c'est le meilleur enquêteur. Après Batman, Il a découvert l'identité de Batman. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, il faut être con pour pas comprendre qu'il y a Batman. Hein. Même Batwoman l'a compris à un moment donné, elle me dit. Ouais, elle lui dit, ça fait un an et demi que j'attends qu'il me l'avoue, un truc comme ça. C'est sur 12 ans en même temps. Mais par contre, sur Batwoman, on peut pas être un leader si on n'a pas une bonne équipe derrière. Sans son équipe, elle est rien. Donc si elle commence à travailler avec son équipe, c'est là qu'elle devient un meilleur leader. C'est un super bon. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle aspire qu'à ça, quoi. Genre, du début à la fin de toutes ces espèces de tirades et même tous les flashbacks et tout, elle aspire qu'à devenir une chef comme. Tu dis ça parce que c'est une femme. Je la trouve super cool. Batman l'a choisie peut-être. Le problème, c'est que t'as l'impression que c'est une petite fille de 12 ans et à côté, Red Robin, c'est tonton, tu vois. C'est genre, ça l'histoire. C'est que son père la destine à être une chef militaire Voilà, il y a qu'à partir d'un moment où elle pourra dépasser ses liens familiaux qu'elle pourra vraiment devenir un chef militaire. Parce que le problème, c'est que même à 2 reprises, elle a des ultimatums qui lui sont posés. Oui, elle doit faire un choix, on va etc. Pas spoiler. Non, spoil pas. C'est genre, elle a des gros ultimatums, elle doit faire genre une grosse prise de décision. Et tu te dis, ça y est, c'est son moment. Mais t'as kiffé quand même. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'est très cool. Okay. Et d'ailleurs, je l'ai démonté en 20 minutes, je crois. Hein, genre, ça allait très très vite. On va faire un dernier tour de table. Pour savoir, toi, tu as dit que t'avais kiffé, Bertrand a dit qu'il avait kiffé. Romain? Moi je lirais Batman qui fait des cupcakes, ça me dérange pas du tout. Oui, bon, moi c'est pareil. Tant qu'il y a Batman dedans. Faye. Ouais, bah, j'ai bien aimé, j'ai envie de lire la suite. Mathieu, tu l'avais déjà dit. Ouais, comics d'été, c'est parfait. Et Vincent? Bah moi du coup je vais le terminer. Oui c'est vrai. Bah ouais, c'était sympathique, mais ouais, sur deux premiers issues j'avais pas vraiment, enfin il se passe pas grand chose non plus quoi. Sachez qu'à la fin j'ai failli lâcher une petite larme, mais n'ouvrez pas les vannes tout de suite, il y a peut-être mais au milieu, arrête hein. Tu dis pas de spoil et tu spoil. Mais je même au milieu hein. Ouais, franchement ouais. Quand il était à terre et tout, c'était terrible hein. Ah, c'est hyper bien amené. On a le droit de spoiler, on n'est pas dans Geek en série. On va bientôt finir. Est-ce que vous avez quelqu'un, un coup de cœur ou une attente ou un truc à part Spider-Man Coming, tout le monde. Ben moi, je viens de lire du Batman aussi. Enfin, je viens de lire Bird of Prey, ouais. Qui vient de sortir en kiosque là. Surtout que Urban, il fait des super kiosques maintenant, des histoires complètes en 180 pages. Non, mais on le dira jamais assez que les récits complets Urban, c'est la meilleure idée du monde. 6€, c'est génial, c'est un grand format. Et puis Bird of Prey, pour moi, c'est le vrai comics d'été. C'est super frais, ça reste dans la Bat Family. C'est un peu moche, par contre. Non, je trouve qu'il y a des cases. C'est une équipe de trois femmes menée par trois femmes. C'est ouais, donc il y a Huntress, Batgirl et Black Canary. Et voilà, et c'est un trio de dessinatrices, scénaristes et coloristes. C'est trois femmes. Et je trouve que ça matche bien ensemble. Et l'histoire est vachement sympa. Pour 6 euros, en plus, pour 6 euros, c'est vraiment génial. Allez-y, jetez-vous dessus. Quoi. Les récits complets Urban, c'est vraiment le best. Par contre, c'est vraiment difficile de comprendre le relaunch Rebirth. J'ai beaucoup de mal à savoir ce qui a été enlevé, ce qui a été repris. Non, mais il faut pas chercher à comprendre. C'est super difficile. Ah non, parce que quand on lit l'histoire, on sait que c'est. C'est Huntress qui a vécu tout l'arc Grayson, mais Batgirl, elle a pas l'air d'avoir lu, d'avoir fait. Non mais cherche pas. C'est super compliqué. Rien que les New 52, Batman est là depuis 5 ans, il a déjà eu 4 Robin en 5 ans, il y a un nouveau Robin à chaque année en fait. Ça passe très vite, il faut lire Grant Morrison, il t'explique que tout ce qui se passe, ça dure 5 ans. Et qu'il a passé la moitié de ses trucs en caisson d'isolement à s'imaginer ce qui se passerait si le Joker l'attaquait. Bah, c'est complètement fou. Bon, moi qui adore DC, là je suis un peu en mode bon, allez, continuité, on s'en bat les couilles un peu. Quelqu'un d'autre à Mathieu, non? Oui, moi j'ai un comics qui n'est pas sorti en français qui s'appelle Interkind. Ouais. C'est Ian Ellington qui a scénarisé et alors au dessin c'est un italien, Francesco Trifolghi, un truc comme ça. Ouais. Alors c'est coup de cœur, coup de gueule parce que c'est sorti chez Vertigo en 2014. En gros, le pitch, grosse catastrophe écologique, l'humanité à la ramasse, vit par communauté comme des pécores et compagnie, l'horreur. Et en fait, il se trouve que toutes les créatures des mythes, les elfes, les ocres, les orques, les gobelins, ça existe vraiment. Et ils ont profité du fait qu'on soit fait décarrer la gueule pour ressortir et se foutre sur la mouille entre eux pour avoir les États-Unis. Et en fait, c'est quasiment du Game of Thrones à un moment donné. Ça part en géopolitique entre les centaures, les elfes qui veulent s'allier avec les gobelins pour pouvoir niquer la nation vampire qui arrive par derrière. Ça se trahit dans tous les coins. Il y a 3 volumes qui sont sortis, le problème c'est que la série n'a pas assez vendu et ça s'est fait arrêter au bout de 3 volumes. J'ai fini le deuxième, il y a d'énormes promesses sur ce truc là, j'ai cru comprendre qu'ils avaient quand même plus ou moins bidouillé pour finir le troisième un peu correctement. Mais Vertigo c'est fini hein, ouais, c'était mec. En 2000, non mais ça repartira jamais, c'est juste que c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel. En fait, ce que j'ai entendu c'est que Warner est allé chier dans les bottes de chez des éditeurs des titres. Donc pour les gens qui ne sauraient pas en fait DC, Vertigo c'est le label creator owned de DC, donc c'est là où les auteurs peuvent arriver, faire une série et avoir encore les droits sur leurs personnages. Et Warner était pas content parce qu'ils pouvaient pas faire de film avec des trucs dont ils avaient pas les droits. Et ils sont allés voir DC en disant bon bah Vertigo vous oubliez, on finance pas ça, allez vous faire enculer. Voilà. Et donc voilà, au revoir Vertigo. Voilà. Tout ça pour pas sortir la Dark Justice. Voilà. Voilà. Et pour récupérer Constantine, voilà, merci Warner. Pour pas sortir le film, ça fait je sais pas combien. Pour une fois, Warner, tu fais un peu de la merde. Moi j'avais une petite attente avant, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Club, qui est vraiment très cool, qui sort 2 émissions toutes les semaines. Bon là ils sont en pause, mais il fait un truc qui s'appelle Le Club, justement, où il parle de culture internet, donc il vous parle un peu de ce qui est sorti, surtout au niveau YouTube, dans la semaine, donc vous avez beaucoup de mèmes, des conneries, et des clips, donc notamment le clip du titre que vous avez entendu tout à l'heure qui est vraiment très bien. Et à côté de ça ils font un truc qui s'appelle YouTube où ils vont voir des artistes et ils leur demandent qu'est-ce que c'est leur historique YouTube, donc ils parlent encore de culture internet. Donc si vous aimez beaucoup la culture internet comme moi et vous aimez beaucoup YouTube, allez regarder cette chaîne, elle est vraiment très très cool. Et voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit avant qu'on termine? Ouais, en ce moment, hop là. En ce moment, pardon, je suis en train de découvrir le personnage de Gambit, qui est hyper secondaire et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il chie autant dans la colle pour le film, parce que, enfin, il y a un gros potentiel sur ça, quoi. Ouais, et c'est vrai que le personnage est très intéressant, mais je crois qu'il y a toujours comment il s'appelle, Channing Tatum, qui est. Il avait quitté le projet, non? Non, il est toujours sur le projet, je crois, avec David S. Goyer qui écrit. On va commencer par virer ces deux-là. Non, c'est David S. Goyer ou comment il s'appelle l'autre, celui qui va réaliser Dark Phoenix? Ouais, voilà, Kimberg. Ouais, celui-là aussi, il faut lire. C'est Simon Kimberg qui est en train de bosser sur ça, mais enfin, je pense que ça se fera jamais. Hein. Vaut mieux pas, oui, non, ouais, ça. Oui, effectivement, il y a. Après, quand tu commences à monter un projet et que tu associes des noms à ça, c'est qu'il y a un financement qui est débloqué. Donc, quelque part, ils ont. Ça veut rien dire. Hein. On attend toujours le film The Goon depuis. Et regarde Flash qui a changé de réalisateur qu'un soir. C'est normal, c'est géré par Warner. Ah. Je crois aux dernières nouvelles, c'est les deux derrière Lego le Movie qui est retourné dessus. La grande aventure Lego, ils sont barrés de Han Solo. Ouais, voilà. Ils ont bien fait. Apparemment, ils sont barrés pour récupérer Flash. Eh ben voilà, allez niquer Flash et laisser Han Solo tranquille. Vincent, est-ce que tu veux nous parler vite fait de Geek en série? Après, on arrête parce qu'il est 19h en fait. Geek en série, c'est quand la prochaine émission? C'est dans 15 jours. Ouais, ouais. Je sais plus. J'ai plus mais là, est sortie une émission exceptionnelle sur Fringe. Ouais. Et vous pouvez aller voter sur Facebook et sur Twitter. Voilà, actuellement, donc, vous pouvez voter pour iZombie, adaptation de comics. Ouais, voilà, exactement. 13 Reasons Why. Et Ma Famille d'abord, que James adore. Moi, j'adore. Pitié, votez pas pour 13 Reasons Why. Non, mais si, 13 Reasons Why. Non, c'est pour iZombie. J'ai pas envie de regarder iZombie, moi. Mais c'est vachement bien. Franchement, tu devrais, c'est vachement bien. C'est bien. Tu sais, c'est la bonne série détente que tu regardes le soir avant de te coucher, quoi. Mais j'ai pensé à toi, j'ai voté iZombie pour te faire chier. Ah bah, tu l'as bien fait, merci beaucoup. Du coup, je regarde vraiment pas mon vote. Bon, allez, on va vous laisser. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site internet comicsdiscovery.fr, sur Facebook, sur Twitter. Jojo Comics, on attend avant le. On en reparlera bientôt. Mais n'oubliez pas, le projet est toujours là. Il y aura quelque chose. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, pas de direct. On fera une émission spéciale sur Homecoming avec les gens qui ont vu le film. Ce sera une rediff. Et puis, allez. Ça a mis une rediff quand on a vu le film de Sam Raimi, c'est pareil. Et on part avec Big Cake, voilà, de Perfect Time. Ouais, qui est le groupe de l'acteur Billy Boyd qui était dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, allez, bye, à la prochaine. Second hand and fly, as we watch numbers rise, given scores to our adventures. I try to catch the air, watch you breathing there, laughing at our souls indentured. The only time we have is now. Don't waste that time with where and how. You know you can't allow your thoughts to take this time from you. Look inside, you know it's true. She's clean as we set out our scene, and time beats out its four rhythm. I discover the tree discovers me.